الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد, ceci est un document qui montre le statut de Abu Asim Abdullah Sawan Al-Ghamidi, statut qui fut démontré par l'imam de la science de Al-Jarh wa Al-Ta'dil, Sheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Hafidhahullah. Sheikh Rabi' bin Hadi avait adressé une nasiha, un conseil, à Abdullah bin Sawan Al-Ghamidi dans cet article intitulé Al-Haddadiyya, تتسقط الآثار الواهية والأصول الفاسدة, وهدفها من ذلك تضليل أهل السنة السابقين واللاحقين. Article datant du 25-12-1433. Sheikh Rabi' dit en début de cet article: هذه نصيحة لأبي عاصم ومن على شاكلته ومن على شاكلته من المخدوعين بهذه الفئة الباغية على المنهج السلفي وعلمائه من علماء الحديث والسنة. فعسى أن يستيقظ أبو عاصم وأمثاله من المخدوعين فيربأوا بأنفسهم عن مجاراة هؤلاء المبطلين, بل عسى أن يسمروا عن ساعد الجد للذب عن السلف الكرام وإهانة من يتطاول عليهم. Le Cheikh avait dit: ceci est un conseil à Abu Asim et ses semblables parmi les trompés par cette secte qui agresse le minhaj salafi et ses savants parmi les savants du hadith et de la sunna. Peut-être que Abu Asim et ses pères, parmi les dupes, vont-ils se réveiller et ne pas empiéter le pas à ces fauteurs, ou peut-être même qu'ils vont retrousser les manches et déployer des efforts afin de défendre les pieux prédécesseurs et mépriser ceux qui osent s'attaquer à eux. Ensuite, Cheikh Rabi, Hafidhahullah, Al-Muhaddis, Rabi' al-Madkhali, discuta les objections d'Ibn Sawan concernant l'affaiblissement de Cheikh Rabi' du Athar d'Ibn Shaqiq. Le Cheikh al-Muhaddis, Rabi' ibn Hadi, montra les arguments et les preuves qui attestent de ce jugement de At-Tad'if et qui portent sur la chaîne de transmission, c'est-à-dire As-Sanad, et sur le texte lui-même, Al-Matn. Il y a par exemple que Abdullah ibn Shaqiq n'avait rapporté que d'après un nombre très réduit de compagnons, ce qui annule la prétention d'Ijma', le consensus de mécréance de celui qui délaisse la prière paresseusement. Il y a aussi une version d'après Ismail ibn Ulayya, dont le texte est: ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة. Regardez bien ce texte. ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة. Nous n'avons pas su quelque chose parmi les œuvres dont on dit sans délaissement et mécréance, sauf la salat. Le Cheikh montra de nombreux défauts et lacunes ilal hadithiya, ilal, qui font que ce athar est jugé faible, et que les haddadis le défendent. Ils défendent ce athar afin de détracter bon nombre d'imams de l'islam et du hadith. Et le Cheikh Hafidhahullah cita trois textes portant sur l'intercession à Shafa'a et expliqua les catégories visées par celle-ci, par Al-Shafa'a, l'intercession. Il s'agit des hadiths rapportés par Abu Sa'id, par Anas et par Abu Huraira, et qui sont dans les deux authentiques, dans As-Sahihain. Premièrement, le hadith de Abu Sa'id, radiallahu anhu. Ce hadith parle de quatre catégories bénéficiant de Al-Shafa'a. La première catégorie, la première classe de gens, ce sont des gens qui priaient, qui jeûnaient, qui faisaient le pèlerinage, mais qui sont entrés en enfer au feu à cause d'un péché qu'ils ont commis aussi. La deuxième catégorie, une classe de gens ayant ceci, misqal dinar min khair, c'est-à-dire l'équivalent ou le pesant d'un dinar de bien. Ils quittent le feu pour ce qu'ils ont de foi et d'œuvre des cœurs, parmi lesquels se trouve leur sincérité dans le monothéisme, c'est-à-dire al-ikhlas fi tawhid. La troisième catégorie, une classe ayant dans le cœur ceci, مثقال ذرة من خير, le pesant d'un atome de bien, et ce bien est la foi, al-iman, avec la sincérité, c'est-à-dire al-ikhlas. Ces deux dernières classes, c'est-à-dire la classe numéro 2 et 3, ces deux dernières classes ne relèvent pas des gens de la salat. La quatrième catégorie maintenant, l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il fait sortir des gens qui ont ceci, لم يعملوا خيرا قط, ils n'ont point fait d'œuvre de bien. Passons maintenant au deuxième hadith, le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il mentionna que l'intercession à Shafa'a atteint quatre catégories aussi. 1. Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min burratin aw sha'iratin min iman. Celui ayant dans son cœur le pesant d'un grain de blé ou d'orge de foi. 2. من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. Celui ayant le pesant d'un grain de ceci, الخردل. Ayant le pesant d'un grain de خردل de foi. Troisièmement, la troisième catégorie. من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. C'est-à-dire celui ayant dans son cœur moins que le pesant d'un grain de khardel de foi. La quatrième catégorie, une classe bénéficiant de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah jure de faire sortir ceux ayant dit la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah. Cheikh Rabi' rappelle que ces deux hadiths contiennent à la fois at-tarhib, faire craindre Allah et son châtiment, et at-tarhib, inciter à se rapprocher, à désirer et à convoiter les récompenses qui sont chez Allah Azza wa Jal. Et le cheikh s'étonne de ce que Abu Asim avait lu la réfutation de cheikh Rabi' envers Adil al-Hamdan, un autre haddadi, et que Abu Asim ose polémiquer encore. Ensuite, le cheikh Hafidhullah cita le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu et cita encore 11 hadiths dans les sujets de Al-Shafa'a, l'intercession, et de Fadl al-Tawhid, les bienfaits et la récompense du Tawhid. Et il dit, Hafidhullah, « وكل هذه الأحاديث تدل على أن الشفاعة تتناول كل موحد لم يشرك بالله شيئا. » فالحدادية لا يرفعون رأسا بهذه الأحاديث التي تبلغ درجة التواتر ويتعلقون بالآثار الواهية. Traduction. Tous ces hadiths montrent que l'intercession profite à tout mouahid, à tout monothéiste n'ayant pas donné un associé à Allah. Mais les hadadis n'interagissent pas avec ces paroles, c'est-à-dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui atteignent le degré de at-tawatur, alors qu'il s'attache à des textes faibles. Note du traducteur. Ceci est un paradoxe de Al-Haddadiyya. Ils prétendent défendre la aqida, les questions de la foi, mais ça il iman, et pourtant, ils combattent celui qui défend ces hadiths de Al-Shafa'a et de Fadl al-Tawhid, qui parlent de aqida, les hadiths de Al-Shafa'a et de Fadl al-Tawhid, qui montrent l'importance de Tawhid et le danger du shirk. Et ceci est un paradoxe évident et une preuve claire de leur idiotie ou de leur voie de khawarij ou des deux ensemble, c'est-à-dire l'idiotie et le mouvement de kharijisme. Ensuite, Al-Ghamidi, Ibn Sawan Al-Ghamidi cita une parole où Ibn Battah, rahimahullah, cita un hadith de takfir de celui qui délaisse la salat paresseusement. Le Cheikh, Cheikh Rabi Hafidahullah, lui fait remarquer et lui fait savoir qu'Ibn Battah ne rend pas mécréant celui qui délaisse la salat. Et il lui cita les paroles des savants ayant cité cet avis d'Ibn Battah, au point que le Cheikh craint que le propos qui est dans Al-Ibana al-Kubra d'Ibn Battah concernant le tekfir de Tariq Salah serait fort probablement glissé dans le livre de l'imam Ibn Battah rahimahullah. Et le Cheikh conclut ce point ainsi. Il avait dit: فهذه عدة شهادات من أكابر العلماء العارفين بمذهب الإمام أحمد الإمام أحمد وأصحابه على أن العلامة ابن بطه لا يكفر تارك الصلاة. Ce sont là beaucoup de témoignages d'après de grands savants connaissant l'école de l'imam Ahmed et ses disciples et qui attestent qu'Ibn Battah n'auront pas tarik al-salah mécréant. Et Ibn Battah dit, rahimahullah, dans Al-Sharh wal-Ibana, page 124-125, il avait dit ceci, cette parole: وَيَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ أَوْ بِرَدِّ فَرِيدَةٍ مِنْ فَرَائِدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ جَاحِدًا بِهَا فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا أَوْ كَسَلًا كَانَ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. الشيخ ربيع كومونتا سيت باغول دي بن بطه الى فيدي: فظاهر هذا الكلام انه لا يكفر الا بالشرك الاكبر الذي حاربه الانبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. Traduction de la parole d'Ibn Battah d'abord. Et l'homme sort de l'Iman vers l'Islam, de la foi vers l'Islam. Sort de l'Iman vers l'Islam. Mais il ne quitte l'Islam que s'il commet l'associationnisme, que s'il donne un associé à Allah, ou bien s'il rejette une obligation parmi les obligations d'Allah Azza wa Jal, tout en la reniant avec cette condition, le reniement al-juhud. Tout en la reniant. Alors que s'il la délaisse par négligence ou par paresse, il est sous la volonté d'Allah. S'il veut, il le punit. Et s'il veut, il lui pardonne. Et Cheikh Rabi' commenta: il est apparent dans la parole d'Ibn Battah qu'il ne rend mécréant que par l'associationnisme majeur que tous les prophètes, salawatullahi wa sallam wa alayhim, avaient combattu. Fin de la parole de Cheikh Rabi' de tout à l'heure. Ensuite, le Cheikh Hafidahullah cita à Ibn Sawan des paroles de ses imams, Ahmed ibn Hanbal, Al-Barbahari, Ibn al-Banna, où il y a qu'ils ne rendent pas Tariq al-Salah mécréant, Tariq al-Salah kasalan, ils ne le rendent pas mécréant. Et le Cheikh demanda: فما رأي أبي عاصم, أي Ibn Sawan هذا, فما رأي أبي عاصم في أقوال هؤلاء الأئمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة بل ولا تارك العمل, هل هم من أهل السنة وأئمتهم كما هو رأي أهل السنة أو هم ضلال مرجئة كما يقوله الحداديون. Le Cheikh demanda: quel est l'avis de Abu Asim, c'est-à-dire d'Ibn Sawan, au sujet des paroles de ses imams qui ne rendent pas tarik al-salati kasalan, celui qui délaisse la salat paresseusement, qui ne le rendent pas mécréant. Plus, ils ne rendent pas mécréant tariq al-amal, celui qui délaisse l'acte, l'œuvre, al-amal. Est-ce qu'ils sont des gens de la sunna? Et parmi leurs imams, comme c'est l'avis des gens de la sunna, ou bien est-ce qu'ils sont des égarés murji'is, comme le disent les haddadi, c'est-à-dire comme ils le disent de celui qui ne rend pas, celui qui délaisse la salat, tariq al-salah, mécréant. Et Abu Asim amena une parole de Al-Qurtubi sans y réfléchir non plus. Qala Abu Asim al-Ghamidi, qala Al-Qurtubi fi al-Tafsir al-Mujallad al-Thamin al-Safha 73, وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي فإنه كافر. وذهبت جماعة. أبو عاصم أبي دي القرطبي دي: un groupe parmi les compagnons, un groupe non pas tous les compagnons, pour prétendre qu'il y a un ijma'. Un groupe parmi les compagnons et les successeurs avait considéré que celui qui délaisse une seule prière exprès, sans aucune excuse, jusqu'à ce que son temps, c'est-à-dire son horaire, s'écoule, et qui refuse de la rattraper et dit « Je ne prie pas, et donc mécréant. » Ça, c'est l'avis d'un groupe, non pas de la totalité des savants. Al-Qurtubi dit « Ceci est l'avis d'un groupe. » Et c'est ce qui montre qu'il n'y a pas un consensus sur cet avis. Et Ibn Sawan a même une autre citation similaire, sans la comprendre non plus. « Qala Ibn Sawan, Qala Ibn Rajab, في جامع العلوم والحكم قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وقال أبو أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف. وهو قول ابن المبارك. Je répète ce dernier fragment qui est très intéressant quand même. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك. Il est intéressant dans le sens où Abu Asim ne le comprend pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette parole et c'est l'avis d'un groupe parmi les salaf et les khalaf et c'est l'avis de Ibn al-Mubarak. Cela veut clairement dire qu'il n'y a pas un consensus sur cette question, contrairement à ce que prétend Al-Haddadiyya. Et le Cheikh Al-Muhaddith Rabi' Hafidahullah corrigea aussi, au passage, il corrigea ce que Abu Asim avait dit tout à l'heure, il avait dit Abu Ayyub As-Sakhtiyani, alors qu'il s'agit de Ayyub As-Sakhtiyani, et non pas de Abu Ayyub As-Sakhtiyani. Cela montre aussi que Ibn Sawan est ce qu'on appelle Hatib al-Layl, un bûcheron qui fait sa besogne pendant la nuit. Il peut glaner des branches de bois et mettre aussi dans son sac des serpents et des vipères qu'il pense que c'est du bois. Il écrivit Abu Ayyub As-Sakhtiyani alors qu'il s'agissait de Ayyub As-Sakhtiyani et le Cheikh lui corrigea comme nous l'avons dit tout à l'heure. Le Cheikh rappela aussi au sujet de cette citation, ces remarques, que le Athar d'Ibn Shaqiq fut démontré comme faible dans l'article intitulé Muta'alimun Maghrur Yarmi Jumhur Ahli Sunnah wa A'immatahum bil Irja', qui est un article de réfutation d'un autre Haddadi qui est Adil al-Hamdan et que Ibn Sawan est venu défendre ici. Le Cheikh Hafidhullah rappela cette remarque ainsi que les points suivants. Ibn Rajab ne déclara pas Athar ibn Shaqir comme étant authentique. Et aussi, pour la parole d'Ibn Rajab, Ayyub al-Sakhtiyani dit « Délaisser la salat est kofr sur lequel il n'y a pas de divergence. » Concernant cette parole, ne pas connaître la divergence n'est pas une science en elle-même. Or, Az-Zuhri par exemple, précéda Ibn Rajab. Et l'imam Az-Zuhri ne rendait pas Tariq al-Salah mécréant. Et comment prétendre un ijma', un consensus, alors que le monde islamique s'étendait à l'époque de Khorasan à l'est, jusqu'en Andalousie à l'ouest, et de l'Arménie au nord jusqu'au Yémen au sud? Comment établir cet ijma'? Ensuite, le Cheikh Hafidhullah cita à Ibn Sawan le commentaire d'Ibn Rajab sur le hadith numéro 42 de son Jami' al-Ulum wal-Hikam, où Ibn Rajab donne l'importance qu'il faut au tawhid et que ce qui est en deçà du shirk est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il en punit et cela réfute les morji'ites. S'il veut, il en punit et cela réfute les morji'ites. Et s'il veut, il lui pardonne. Et cela réfute l'avis des Khawarij. S'il veut, il pardonne. Et cela réfute l'avis des Khawarij. Et que celui qui a le monothéisme ne demeure pas éternellement au feu, et cela réfute à la fois les Khawarij et les Mu'tazilites. Et le Cheikh demanda à Ibn Sawwan si Ibn Rajab ignorait aussi l'ijma' qu'Ibn Sawwan prétend. Est-ce que Ibn Rajab l'ignorait alors qu'il ne s'est pas prononcé sur ce Athar d'Ibn Shaqiq? Ibn Sawwan amena une parole des fils de Cheikh Muhammad ibn Abd Wahhab ainsi que de Cheikh Hamad ibn Nasr rahimahullah sur le kufr de Tariq al-Salah. Et Cheikh Rabi' lui rappelle que l'imam lui-même, l'imam Muhammad ibn Abd Wahhab, ne rendait pas Tariq al-Salah mécréant. Et que l'imam rapporta l'ijma' sur le kufr de celui qui délaisse al-Shahadatayn, c'est-à-dire les deux attestations de la foi, et que l'imam combattit pour les autres piliers, pour les faire, et ne rendait pas mécréant celui qui les délaissait. Et l'imam Muhammad fut empiété dans cette voie, dans cette piste, par ses descendants, tels que Abdurrahman ibn Hassan, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, ainsi que Cheikh Abdul Latif, ainsi que Cheikh Sulayman ibn Abdullah, rahimahumullah. Et parmi ses suiveurs aussi, il fut suivi dans cette voie de ne pas rendre mécréant Tariq al-Salah, il fut suivi par Sulayman ibn Sahman. Cheikh Rabi' dit, ceci est chose très connue, mais Al-Haddadiyya rend morgi celui qui ne déclare pas mécréant Tariq al-Salah. Et Cheikh Rabi' conclut, il avait dit ceci, وَأَعْتَقِدُوا أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ فِي الْإِمَامِ مُحَمَّدِ ومن سار على نهجه في عدم التكفير بأي عمل إلا بالشهادتين بأنهم من المرجئة ولكنهم يستخدمون التقية والمراوغات. Traduction. Et je crois qu'il, c'est-à-dire les Haddadi, croit que l'imam Muhammad et ceux qui le suivent dans cette piste de non-takfir par aucune œuvre sauf les deux attestations, shahadatain, délaissé et shahadatain, qu'il serait parmi Al-Murji'a, c'est-à-dire celui qui agit ainsi et qui ne fait le takfir que par le délaissement de Al-Shahadatayn, qu'il serait parmi les Murji'a, même si ce sont des grands imams tels que l'imam Muhammad et ses descendants et ses frères parmi les imams de la Da'wa Najdiya. Et le Cheikh avait dit qu'il serait Murji'a pour eux. Cependant, que ces Haddadi usent de At-Taqiyya et ils dissimulent. Ibn Sawwan cita que parmi ceux qui rendent Tariq al-Salah mécréant, il y a Cheikh Ibn Baz. Et Cheikh Rabi' répond que oui, il le fait, rahimahullah, mais il ne rend pas morgi celui qui ne déclare pas Tariq al-Salah mécréant. Et que Cheikh Ibn Baz fut interrogé. Voici la question. Su'ila amman la yukaffiru Tariq al-Amali, hal huwa morgi? فقال لا هو من أهل السنة المصدر مجلة الفرقان العدد 94 السنة العاشرة شوال 1418 للهجرة. La question, est-ce que celui qui ne rend pas mécréant, quiconque délaisse l'œuvre, al-amal, est-ce qu'il est murji? La réponse de Cheikh Ibn Baz, non, il est des gens de la Sunna. Et nous avons cité la référence. Et Cheikh Rabi' avertit Ibn Sawwan qu'il n'a pas le droit de soutenir la secte de Al-Haddadiyya qui s'acharne à rendre les imams de la Sunna décédés et vivants comme innovateurs. Ils rendent celui qui ne déclare pas Tariq al-Salah mécréant. Ils rendent celui-là comme étant innovateur. Ils le rendent comme étant innovateur lui. Alors que parmi les imams qui ne rendaient pas Tariq al-Salah mécréant, Tariq al-Salah par paresse, donc Tariq al-Salah n'est pas mécréant. Parmi ces imams qui ne rendaient pas Tariq al-Salah mécréant, il figure ces imams Az-Zuhri, Malik, Al-Shafi'i, voire Ahmed, selon l'un des deux avis, et beaucoup de ses suiveurs et disciples les plus notoires en cet avis, parmi lesquels il y a par exemple Ibn Battah, Ibn Qudama, Abdurrahman ibn Muhammad al-Maqdisi. Voir que certains parmi eux ne rendent pas mécréant celui qui délaisse l'œuvre Tariq al-Amal. Quel serait le statut de tous ces imams chez Al-Haddadiyya? Plus encore, des groupes innombrables des gens de Al-Hadith voient que les gens des péchés sortiront du feu pour ce qu'ils ont de iman, de foi. Quel est le statut de ces gens de Al-Hadith chez Al-Haddadiyya, les ignorants de Al-Haddadiyya? Et Cheikh Rabi' rapporta une parole de Cheikh al-Islam à propos des prétentions de Al-Ijma', le consensus, l'unanimité. قال شيخ الإسلام ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء من ادعى الإجماع فقد كذب هذه دعوى المريسي والأصم ولكن يقول لا أعلم نزاعا والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأن لا نعلم نزاعا ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندعيه مجموع الفتاوى المجلد 19 الصفحة 271. Traduction de cette parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il avait dit: c'est pourquoi Ahmed avait dit: celui qui prétend le consensus aurait menti ou aurait failli. Ceci était bien la prétention de Al-Mirrisi et de Al-Asam. Et Cheikh Rabi' commenta ici: comme la prétention de Al-Haddadiyya est semblable à celle de Al-Mirrisi et de Al-Asam. Fin de son commentaire. Donc voici la citation complète de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il avait dit: c'est pourquoi Ahmed avait dit: celui qui prétend le consensus aurait menti ou failli. Ceci était bien la prétention de Al-Mirrisi et de Al-Asam. Cependant qu'ils disent: je ne connais pas de divergence en cela. Et ceux qui citaient Al-Ijma' comme Al-Shafi'i et Abi Thawr et d'autres expliquaient ainsi leurs propos, c'est que nous ne savons pas une divergence là-dessus. Et ils concluaient: c'est bien ce type d'Ijma' que nous prétendons. Passons maintenant à un autre article où Cheikh Al-Muhaddith Hamil Liwa Al-Jarh wa Al-Ta'dil avait montré le statut de Al-Ghamidi. L'article est intitulé الحجه الدامغه لاباطيل واصول الحداديه التي يتشبث بها عبد الله بن صوان الجهول. La preuve éclatante contre les mensonges et les fondements de Al-Haddadiyya auxquels se cramponne Abdullah bin Sawan l'ignare. Dans cet article, le cheikh hafidhahullah riposte à Ibn Sawan Al-Haddadi qui avait noirci un article qu'il intitula ainsi: كشف تجني ربيع المدخلي على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Soi-disant, le dévoilement du tort fait par Rabi al-Madkhali contre l'imam Muhammad bin Abd al-Wahhab رحمه الله. Cheikh Rabi حفظه الله avait dit: c'est plutôt Ibn Sawan qui mentit et fit du tort à Rabi. Et il falsifia la parole de l'imam Muhammad et d'autres imams conformément à sa voie, à sa méthodologie de Haddadi. Après avoir beaucoup insulté l'imam Rabi' al-Madkhali, comme c'est un trait caractéristique des Haddadi qu'il insulte les ulama et les savants, et donc les imams, il les insulte tout le temps, après avoir insulté Cheikh Rabi' al-Madkhali, et après avoir accusé Cheikh Rabi' d'Irja, de l'Irja, comme c'est leur caractéristique d'accuser presque toujours systématiquement les gens de l'Irja, après avoir accusé Cheikh Rabi' d'Irja, Ibn Sawan al-Haddadi avait dit: ادعي المرجي سيء الصيت في هذا المقطع أن الإمام أي الإمام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر بترك عمل الجوارح بالكلية وادعى أن فهمي قاصر وأني بليد وغبي وهذه الطعون أنا من لقبته بها فقلبها البليد المرجي علي وهو أحق بها وأهلها لأنه لا يفهم فهم أهل التوحيد والسنة وإنما فهم المرجئة والجهمية وعلى كل حال فقوله باطل لأنه خلاف إجماع أهل السنة والجواب على هذيانه المذكور آنفا بأجوبة الإمام نفسه رحمه الله التالية. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, voilà qu'il va rapporter une fatwa de Cheikh l'Imam Mohammed bin Abdul Wahhab, mais heureusement qu'il ne va pas la tronquer comme il avait tronqué des propos de Cheikh Rabi' pour les présenter à l'Ejna et que nous allons montrer inshallah dans un document. Donc Ibn Sawan continue, il avait cité l'Imam Mohammed bin Abdul Wahhab. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم واللسان الذي هو القول والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي, فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما, فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس, وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقده باطنا فهو منافق خالصا أشر من الكافر والله أعلم. الدرر السنية المجلد الثاني باج 124-125. Traduction. Ibn Sawan avait finalement dit, le Murji ayant une mauvaise réputation, note du traducteur, quant à l'accusation de Murji, nous allons voir tout à l'heure si nous savons son Murji ou bien si ces gens comme Al-Haddadi, Al-Ghamidi, Al-Juhani, Farraj, Al-Hazimi sont eux des Khawarij. Et quant à l'accusation de mauvaise réputation, nous disons, oui, Cheikh Rabi' a une très mauvaise réputation chez les gens d'innovation dans les Haddadi. Et il a une très bonne renommée chez Ahl Sunnah wal Jama'a, comme l'attestent et le montrent les nombreuses tazkiyat, les éloges, les recommandations des imams de la Salafiyya pour lui, pour ses livres et pour ses cours. Et fin de l'annonce. Donc Ibn Sawan était en train de dire ceci. Le Murji ayant une mauvaise réputation avait prétendu dans ce fragment que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab ne rendait pas mécréant à cause d'avoir totalement délaissé les axes des membres Amal al-Jawarih. Et il, c'est-à-dire Cheikh Rabi', avait prétendu que ma compréhension est insuffisante et que je suis idiot et stupide. C'était moi qu'il avait qualifié ainsi. Voilà qu'il avoue qu'il avait insulté, le premier qu'il avait insulté, Cheikh Rabi'. C'était moi qu'il avait qualifié ainsi. Et lui, le Murji, l'idiot, les avait inversés contre moi, alors que c'est lui qui les mérite. Note du traducteur. Il ne suffit pas d'insulter. Nous allons voir qui mérite quel qualificatif. Qui est savant des gens de la Sunna et qui est innovateur, éprouvé, meftoun, égaré, dal, égareur, modèle. Faites attention. Fin de l'annonce. Il avait dit, donc Ibn Sawan al-Ghamidi était en train de dire, c'est lui qui les mérite. Puisqu'il ne comprend pas à la manière des gens de Tawhid et de la Sunna, mais à la façon des Murji'ites et des Jahmites. Bref, sa parole est nulle et elle contredit le consensus des gens de la Sunna. Et en réponse à son délire précité, nous amenons les réponses de l'imam lui-même, rahimahullah, que voici. L'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, avait dit, il n'y a pas de divergence chez la Umma que le tawhid doit se faire par le cœur, et qui consiste en une science, par la langue, consistant à une profération, une prononciation, et par une œuvre, consistant à exécuter les ordres et à éviter les interdits. S'il déroge à quelque chose de cela, l'homme ne serait pas musulman. S'il reconnaît le monothéisme et n'œuvre pas avec, il est mécréant rebelle comme Pharaon et Iblis. Et s'il œuvre avec le monothéisme en apparence, alors qu'il n'y croit pas intérieurement, il est hypocrite pur et simple, pire que le mécréant, et Allah est omniscient. Fin des propos amenés par Ibn Sawan. Cheikh Rabi' répond que la parole que lui, Rabbi, avait cité est clair. L'imam ne rendait pas mécréant à cause des quatre piliers après les deux attestations, Ash-Shahadatain, les quatre piliers qui viennent après Ash-Shahadatain. Il ne rendait pas mécréant à cause de cela. S'il ne rendait pas mécréant par ces quatre piliers, comme la salat, la zakat, le siyam et le hajj, est-ce qu'il va rendre mécréant à cause d'autres œuvres? Et Cheikh Rabi' demande à Ibn Sawan de montrer quelle est cette œuvre des membres, Amal Jawarih, pour laquelle l'imam aurait rendu mécréant. Et cette question de Cheikh Rabi' ici est cruciale et décisive, et il convient de la méditer et d'y réfléchir. Je la répète. Il demande à Ibn Sawan. Il lui demande de montrer quelle est cette œuvre des membres, quelle est cette œuvre des membres, Amal Jawarih, pour laquelle l'imam aurait rendu mécréant. Quelle est cette œuvre précisément? S'il dit que je ne rends pas mécréant par la salat, par la zakat, par le pèlerinage, par le siyam, si l'homme délaisse cela paresseusement, et non pas qu'il est en train de les renier. Si je ne rends pas mécréant à cause de cela, par quoi est-ce qu'il va rendre mécréant? Donc nous demandons une réponse concernant cette question posée par Cheikh Rabi' Hafidhullah. Et il dit Hafidhullah, « وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ مُحَمَّدْ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ تَارِكِي الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ وَإِنْ قَاتَلَهُمْ عَلَى تَرْكِهَا فَبِمَاذَا يُكَفِّرُ مِنَ الْأَعْمَالِ بَعْدَهَا أي أعمال جوارح، بأي أعمال جوارح يكفر؟ إذا كان لا يكفر بترك الصلاة وهي أعظم الأركان بعد التوحيد. إلى فيدي الشيخ ربيع عسي بين أيها الخارجي هذا من صريح كلامه، من صريح كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وسيأتي من صريح كلام هذا الإمام أن أهل السنة لا يكفرون إلا بالشرك بالله. للشيخ سيدخا tout à l'heure une parole explicite de l'imam Muhammad rahimallah attestant que Ahle Sunnah ne rendent mécréants qu'à cause de l'associationnisme Ash-Shirku Billah. Et sur un deuxième plan maintenant, Cheikh Rabi' dit, si on concède avec ce Haddadi que l'imam voulait par Al-Amal l'acte, l'œuvre, s'il voulait par Al-Amal, par l'acte, par l'œuvre, ici Amal Al-Jawarih, l'acte qui est des membres, alors nous allons supposer pour un moment seulement, avec ce haddadi, nous allons supposer ceci, que cet imam avait deux avis. L'un est celui que ce haddadi rapporta ici et interpréta, ça c'est le premier avis, disons. Le deuxième est l'autre qui est de l'imam toujours, et qu'il ne rendait pas mécréant à cause du délaissement d'autre chose que du délaissement de Ash-Shahadatain. Il ne rendait pas mécréant à cause du délaissement de la salat, par exemple. Mais, même dans ce cas, l'avis le plus fort serait le second. C'est ce que ses fils les plus aînés et ses suiveurs avaient propagé en réfutation même de ses ennemis, qu'il accusait de tekfir injuste. Et c'est ce que les haddadis sont en train malheureusement de prouver avec les soufis et avec les qaburis et avec les rawafid qui accusaient l'imam de faire le takfir injuste. Voilà que les haddadis viennent maintenant pour les soutenir dans ce combat de at-tawhid, au nom de at-tawhid. Wallahu al-musta'an. Donc Cheikh Rabi' Hafidhullah était en train de dire, mais même dans ce cas, l'avis le plus fort serait le second. C'est ce que ses fils les plus aînés et ses suiveurs avaient propagé en réfutation même de ses ennemis qu'il accusait de tekfir injuste. Et c'est ce qui est étayé par les preuves du livre et de la sunna. Et là, c'est un argument plus fort. C'est ce qui est étayé par les preuves du livre et de la sunna. Du livre, on peut citer ce verset. Où est-ce que vous allez mettre ce verset, oh Haddadi? قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Traduction rapprochée du sens du verset. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. Et il pardonne ce qui est en deçà pour qui il veut. Fin de, du fragment du verset. Et cela se trouve dans deux versets de la sourate de An-Nisa, les femmes. Et de la sunna, il y a les hadiths de Al-Shafa'a, l'intercession. Et les hadiths de Fadl al-Tawhid, les bienfaits et les récompenses du monothéisme, qui sont dans un degré de Al-Mutawatir. Et voici ce que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab dit. Donc voilà la parole où il montre que Ahl Sunna ne font At-Takfir vraiment qu'à cause de Al-Shirk, ne sont unanimes pour faire At-Takfir qu'à propos de Al-Shirk. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. الرسائل الشخصية للشيخ رحمه الله الصفحة 233. كلام واضح. Je le répète. أما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. كلام واضح. Une parole claire de l'imam. Voici sa traduction. Quant aux gens de la sunna, l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab dit, quant aux gens de la sunna, voici leur méthode, voici leur madhhab, voici leur méthode, voici leur manière. C'est que le musulman ne devient mécréant qu'à cause du shirk. Aussi, nous n'avons rendu mécréant les tawarids et leurs suiveurs qu'à cause du shirk. Voilà, fin de la citation de l'imam Mohammed, rahmaullah. Et cela est confirmé aussi par des paroles d'autres imams de la sunna, comme un Ahmed ibn Hanbal. قال صالح ibn Ahmed, سألت أبي ما زيادته وما نقصانه. قال زيادته العمل ونقصانه ترك العمل مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض. السنة للخلال, المجلد الأول, الصفحة 588. Traduction de cette parole du fils de l'imam Ahmed qui interrogea son père. Salih, fils de Ahmed, dit: j'avais demandé à mon père comment augmente-t-il, c'est-à-dire l'iman, comment augmente-t-il, c'est-à-dire la foi, et comment il baisse, comment il diminue, l'iman, et comment il baisse. Il répondit: il augmente par l'amal, par l'œuvre, par l'acte. Il augmente par l'amal, il augmente par l'œuvre, et il baisse. Il a dit il baisse, il n'a pas dit il s'annule, et il baisse à cause du délaissement de l'acte, comme de délaisser la salat, la zakat, al-hajj, et délaisser les obligations. Note du traducteur: nous rappelons que l'imam avait dit il baisse, non pas il s'annule par le délaissement de l'amal. Il avait dit il baisse, et non pas il s'annule. Et voici une deuxième parole de Ahmed, rahimallah, une parole devant écraser ce madhhab haddadi. قال الإمام أحمد في رسالته إلى مسدد: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم. Répétons cette phrase. ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. طبقات الحنابلة, المجلد الأول, الصفحة 343. L'imam Ahmed, rahimahullah, dit dans sa lettre à Musaddad: la foi est une parole et un acte. Son augmentation est quand tu fais du bien, quand tu fais bien. Ça baisse quand tu fais mal. Et l'homme sort de la foi vers l'islam. Mais rien ne le fait sortir de l'islam si ce n'est l'associationnisme à l'égard d'Allah, le glorieux. Ou bien, s'il rejette l'une des obligations d'Allah, Azza wa Jal, tout en la reniant, avec cette condition du reniement, al-juhud. Et s'il la délaisse paresseusement ou avec négligence, il serait sous la volonté d'Allah. Voilà ce qui déplaît au Haddadi. Et s'il la délaisse paresseusement ou avec négligence, il serait sous la volonté d'Allah. S'il veut, il lui pardonne. Et s'il veut, il le châtie. Note du traducteur. Mais s'il le punit, si, combien même Allah Azza wa Jalla punit un serviteur pour avoir délaissé l'une de ses œuvres, il ne le perpétue pas en enfer. Passons maintenant à la parole d'un autre imam. Et quel imam? L'imam al-Bukhari, rahimahullah. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه المجلد الأول صفحة 26 قال باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et quelles paroles des imams! Regardez la profondeur de la science de ces gens. L'imam al-Bukhari avait dit, qu'Allah l'ait en miséricorde, il avait dit, chapitre, les péchés relèvent de la jahiliya, c'est-à-dire de al-ma'asi et des choses qui sont incorrectes. Les péchés relèvent de la jahiliya, et celui qui en commet n'est pas rendu mécréant, sauf s'il s'agit d'associationnisme. En témoigne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es un homme ayant quelque chose de la jahiliya. Et la parole d'Allah ta'ala, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et il pardonne ce qui est en deçà, c'est-à-dire ce qui est en deçà de l'associationnisme, et il pardonne ce qui est en deçà pour qui il veut. Les paroles de ces deux imams démolissent la prétendue ou bien le prétendu ijma' des Haddadi. Et il est apparent que leurs preuves, c'est-à-dire les preuves de ces imams, non pas des ignorants Haddadi, que leurs preuves, les preuves de ces imams, résident dans les hadiths de Al-Shafa'a et de Fadl al-Tawhid. Et Cheikh Rabi' rappelle que d'autres imams avaient déclaré que l'homme ne quitte l'islam que par le shirk, dont ces imams par exemple. Al-Imam al-Barbahari, dans Sharh al-Sunnah, page 41. Al-Imam ibn Battah, dans Al-Sharh wal-Ibana, page 124-125, que nous avons cité tout à l'heure. Al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, dans son livre Ta'dim al-Qadr al-Salah. Et d'autres imams comme Ibn Kathir, dans son exégèse, prennent pour argument les hadiths de Al-Shafa'a, de l'intercession. Et Ibn Kathir cite d'autres imams parlant ainsi que lui, dont les imams suivants, Ibn Abdul-Barr et Ibn Rajab al-Handali. L'imam Ibn Rajab, par exemple, dit dans Fath al-Bari, en commentant un hadith de Al-Shafa'a, il avait dit ceci: والإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد وصار مسلوبا ما في قلبه من التصديق وما قاله بلسانه من الشهادة وإنما يخرج عصاة الموحدين بهذين الشيئين فدل على بقائهما على جميع من دخل النار منهم وأن الغرماء إنما يقتسمون الإيمان بالجوارح. Je répète cette citation qui écrase l'Haddadiya. L'imam Ibn Rajab avait dit والإيمان القلبي, alors que tout à l'heure Al-Ghamidi était en train de citer Ibn Rajab. Voilà ce que dit Ibn Rajab. Tu ne sais pas que sur ton madhhab Ibn Rajab il est murji'i? Voilà ce que Ibn Rajab avait dit. والإيمان القلبي وهو التصديق, الإيمان القلبي وهو التصديق, لا تقتسم الغرماء بمظالمهم لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد وصار مسلوبا ما في قلبه من التصديق وما قاله بلسانه من الشهادة. وإنما يخرج عصاة الموحدين بهذين الشيئين فدل على بقائهما, أي هذين الشيئين فدل على بقائهما على جميع من دخل النار منهم, وأن الغرماء إنما يقتسمون الإيمان بالجوارح. فوليوم نيميرو 1 دو فتح الباري باج 94-95. علق الإمام ربيع المدخلي وانظر إلى قوله رحمه الله: وإنما يخرج عصاة الموحدين من النار بهذين الشيئين, أي الإيمان القلبي والنطق باللسان. وهذا فقه صحيح لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. Traduction maintenant de la parole d'Ibn Rajab et du commentaire de Sheikh Al-Imam Rabi' Al-Madkhali aussi. Ibn Rajab avait dit: la foi du cœur est la reconnaissance, et il n'est pas objet de réparation envers les adversaires auxquels on aurait fait un tort, c'est-à-dire ici-bas, auxquels on aurait fait un tort. Car les adversaires, s'ils venaient à partager cette foi, il y aurait comme conséquence d'éterniser certains gens de At-Tawhid au feu. Et il découlerait de cela de le déposséder de ce qu'il a de reconnaissance au cœur et de paroles d'attestation de la foi. Or, les pécheurs parmi les monothéistes ne quittent le feu qu'à cause de ces deux choses, ce qui prouve qu'elles, c'est-à-dire ces deux choses, demeurent sur tout un chacun d'entre eux qui entrent au feu, et que les adversaires réparent leur tort moyennant la foi récoltée au niveau des membres. Iman amal al-jawarih. Cheikh Rabi' commenta ainsi: regardez bien sa parole, rahimahullah, que les pécheurs parmi les mouahidines ne quittent le feu qu'à cause de ces deux choses, c'est-à-dire la foi du cœur et la parole accomplie par la langue. Et ceci est du fiqh et de la compréhension correcte vis-à-vis des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne dit rien de lui-même, qui ne dit rien à partir de la parole ou bien de la passion des hommes. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et Ibn Rajab, rahimahullah, avait dit dans Fath al-Bari, au volume 1, page 120-121, il avait dit ceci: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا يُسْتَحَقُ دُخُولُهَا بِالتَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ مَعَ شَهَادَةِ اللِّسَانِ وَبِهِمَا يَخْرُجُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Je répète cette citation. ومعلوم أن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة. C'est-à-dire celui qui délaisse l'œuvre qui est appelée عمل جوارح, il est sous la menace, mais il ne sera pas éternisé en enfer. Traduction de la parole ou bien de la citation de tout à l'heure de Ibn Rajab. Et c'est bien connu que le paradis, Al-Jannah, on ne mérite d'y accéder qu'aux conditions de 1. La reconnaissance par le cœur, et 2. L'attestation de la langue. Et c'est bien avec ces deux que l'on fait sortir ceux qui sortiront du feu pour entrer au paradis. Après ces exemples des paroles d'imam de la Sunna, Cheikh Rabi' commenta que ces paroles sont soutenues par des arguments du livre et de la Sunna, et que leurs frères de la Sunna qui les contredisent en rendant tariq al-salah ou tariq al-amal, c'est-à-dire amal jawarih, tariq al-amal, ils ont aussi des arguments. Les deux parties sont des mujtahidines. Aucune partie ne détracte l'autre comme étant des khawarij ou des morji'ites, car ils ont un comportement exemplaire, celui des gens de la sunna, et ils ont aussi la justice et l'équité. Par contre, ces gens de passion, à cause de leur déviation, n'hésitent pas à accuser les gens de la sunna et du hadith comme étant des morji, comme cette secte Haddadi, ayant une voie d'égarement qui la pousse à accuser la majorité des gens de la sunna par l'accusation de Al-Irja. Passons maintenant à un autre article où Cheikh Rabi' montre la confusion et l'égarement de Ibn Sawwan. Cheikh Rabi' avait intitulé « Waqafatun ma'a maqali al-balidi al-ghabiyi Abdullah Sawwan » Des arrêts avec l'article de l'idiot et stupide Abdullah Sawwan. Son article intitulé « Ar-raddu ala shubhati l'istidlal » Ça c'est l'article de Ghamidi. « Ar-raddu ala shubhati l'istidlali bil ijma'i ala kufri tarik shahadatayn lil murji Rabi' al-Madkhali » Le premier point que le cheikh souligne, c'est l'erreur qui se trouve au niveau du titre de ce muta'alim, puisqu'il considéra le consensus de la mécréance de celui qui délaisse les deux attestations comme étant une ambiguïté, shubha. Le cheikh demande, est-ce que lui, Ibn Sawwan, ne considère pas celui qui délaisse al-shahadatayn comme étant mécréant? Est-ce que al-ijma' sur la mécréance de ce genre serait une ambiguïté? Ceci est une preuve évidente de son idiotie. Nom du traducteur ici. Le cheikh qualifie ainsi Ibn Sawwan d'idiot et de stupide et d'ignorant et d'ignare, car lui, il avait rempli ses articles d'injures et d'insultes. Et le mauvais comportement des Haddadi est chose très connue aussi. Il compte parmi leurs rangs des gens qui prétendent faire la da'wa alors qu'ils sont fiers de donner des coups de poing en pleine figure à qui ose les rappeler à l'ordre ou leur faire le conseil sur leur égarement profond. Fin de la note. Le deuxième point, le premier point de Cheikh Rabi' corrigeait le titre d'abord de Ibn Sawwan. Le deuxième point n'est pas moins anodin et c'est encore une preuve de l'idiotie de ce Ibn Sawwan. Car Ibn Sawwan avait dit, il avait dit ceci, قال المرجئ ربيع المدخلي قال أي lorsque ربيع المدخلي avait cité l'imam محمد بن عبد الوهاب قال المرجئ ربيع المدخلي قال أي الإمام محمد في الدرر السنية المجلد الأول الصفحة 102 وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عما يقاتل عليه وعما يكفر به فأجاب أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره على تركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان انتهى جواب الإمام ثم ساق ابن صوان كلام الشيخ ربيع الآتي فعلماء الأمة شيخ ربيع عبدي فعلماء الأمة اختلفوا في تكفير تارك الأعمال كسلا وأجمعوا على تكفير تاركها جحودا وأجمعوا على كفر تارك الشهادتين والإمام محمد لا يكفر إلا بما أجمعوا عليه وهو الشهادتان وقوله أي الإمام محمد هذا نص واضح في عدم تكفير تارك العمل إذ ليس وراء الأركان الخمسة من الأعمال ما يكفر به بل نص على أنه لا يكفر إلا بما أجمع عليه وهو الشهادتان انتهى كلام شيخ ربيع. قال ابن صوان انتهى كلام المرجي. ثم قال الجهول عبد الله بن صوان نقل الغبي أي الشيخ ربيع السي نقل الغبي عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يكفر إلا بما أجمعوا عليه وهو الشهادتان وللجواب على تلك الشبهة السقيمة أقول وبالله التوفيق. Note du traducteur. Je résume ce qui précède en attendant de citer ce que va dire ce Haddadi. Et soyez sûr que ce qu'il va dire après est une preuve de son ignorance et que la passion se joue de lui. Cheikh Rabi' avait cité une réponse de l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, où il déclarait ne rendre les crayons que par ceux sur quoi les imams sont unanimes, à savoir délaisser les deux attestations de la foi shahadatain ou délaisser une obligation tout en la reniant. Quant aux quatre piliers à part shahadatain, c'est-à-dire les quatre piliers qui viennent après, c'est-à-dire la salat, la zakat, le hajj et le siyam, les délaisser par paresse n'est pas l'objet d'unanimité de takfir chez les savants, donc l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab ne rendait pas non plus mécréant pour ça. Cheikh Rabi' dit, ceci est un texte clair, que le cheikh ne voit pas non plus de takfir pour tarik al-amal, ayy tarik amal jawarih. Ibn Sawan ne comprend pas la réponse, pourtant claire et nette de l'imam Mohammed, ne comprend pas la conclusion claire et évidente faite par Cheikh Rabi', à savoir, si l'imam rendait mécréant uniquement par ash-shahadatayn, cela veut dire qu'il ne rend pas mécréant de délaisser la salat, qui est l'obligation la plus importante parmi les actes des membres, qui est donc l'obligation la plus importante après ash-shahadatayn. Il ne rendait pas non plus mécréant pour le délaissement par paresse des autres piliers. S'il ne rend pas mécréant à cause de la salat, il ne rend pas non plus mécréant à cause des autres choses qui viennent après la salat. Et ceci est une preuve que lui-même ne rend pas mécréant à cause de amal jawarih, tark amal al-jawarih. On ne peut une explication plus facile et plus claire. Pourtant, Ibn Sawan, lui, ne comprend pas et accuse ses adversaires d'être des innovateurs et d'être des idiots. Il dit, l'objectif, Ibn Sawan avait dit, il dit, l'objectif des deux attestations n'est pas la seule lettre, lafduhuma. Oui, ça c'est vrai, ça c'est juste. L'objectif des deux attestations n'est pas la seule lettre. Mais qui avait dit le contraire? L'objectif des deux attestations n'est pas la seule lettre, lafzuhuma, c'est-à-dire de les prononcer seulement. Non, l'objectif n'est pas en cela seulement. Comme le pense le morji, l'idiot, il désigne par là l'érudit savant Rabi' al-Madkhali. Ce qui est demandé, c'est-à-dire ce qui est demandé par Shahadatayn, ce qui est demandé est de connaître leur sens. Oui, c'est vrai, nous sommes d'accord sur cela. C'est-à-dire, ce qui est demandé, c'est de connaître leur sens, le sens de Ash-Shahadatayn. Ce qui est demandé est de connaître leur sens, et il va ajouter un « et » ici, la particule « et ». Il va dire le « et » de coordination, le « et » de coordination, il va ajouter quelque chose ici. Faites attention. Il dit, ce qui est demandé est de connaître leur sens et devrait en conséquence, c'est cela la Shahada en réalité. C'est ce que avait voulu lui-même Mohammed dans sa parole. Ainsi tombe donc l'argumentation du Morji al-Madkhali et il insulta davantage Cheikh Rabi'. Nom du traducteur. Nous demandons aux frères et sœurs qui veulent comprendre cette question d'être vigilants, d'être attentifs, car l'ambiguïté et shubha de ces khawarij peut confondre certains qui deviennent ainsi des alliés de al-khawarij sans le savoir, et des ennemis de Ahl-Sunnah par conséquent, sans s'en rendre compte. Bref, ce Tekfiri Ibn Sawan fait une transition ici, qui risque de passer inaperçue et confondre les gens. L'imam Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, rendait mécréant pour le délaissement de la ilaha illallah, qui a un sens, et c'est ce qui est demandé dans cette attestation, c'est ce asl de l'islam. Et il a même une réponse dans ce sens intitulée Mufid al-Mustafid fi kufri tarik al-Tawhid. Donc il rendait mécréant pour la dérogation à la ilaha illallah. Mais Ibn Sawan ne se contente pas de cela. Cela ne lui suffit pas. Il faut joindre au sens, à al-ma'na de la ilaha illallah, il faut lui joindre al-muqtada, et faire entrer ce tout dans la ilaha illallah. Alors que al-muqtada, il est à l'extérieur. Donc il est donc à l'extérieur de quoi? De la ilaha illallah. Il est impliqué. C'est ce qu'elle implique. Elle implique de vrai, de travailler en conséquence de ce monothéisme. Mais celui qui délaisse l'œuvre, elle se nomme jama'a, ils ont divergé sur son hukm. Est-ce qu'il est perpétué en enfer? Est-ce qu'il est mécréant? Ou est-ce que c'est un asi? C'est quelqu'un ayant péché, tout simplement, et qui va, et qui est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, Ibn Sawan veut faire entrer al-amal, l'œuvre au sein de la ilaha illallah. Or, Cheikh Mohammed, rahimahullah, lui, était clair. Il dit qu'il rendait mécréant pour le shirk, pour la dérogation à la ilaha illallah. Quant aux œuvres, à commencer par la plus grande après at-tawhid, à savoir la salat, il déclara qu'il ne rendait pas mécréant pour ça. Mais pour Ibn Sawan, cela ne suffit pas. Il veut rendre mécréant pour la salat. Qawlan wahidan. Faites attention à cela. Alors qu'il y a une divergence sur ce hukm. Il veut rendre mécréant celui qui n'accomplit pas la salat par paresse. Et il veut rendre les savants qui ne le rendent pas mécréant. Il veut les rendre morji. À commencer par les salafs. Wallah al-musta'an. Donc cela ne lui suffit pas. Il veut rendre mécréant pour la salat. Qawlan wahidan. Il refuse la divergence sur le jugement de Hukm Tariq Salah Kasalan et rendre mécréant aussi pour d'autres œuvres et rendre morji celui qui ne rend pas mécréant pour Amal al-Jawarih. Alors qu'il y a une divergence chez Ahl Sunnah ou Jama'a concernant cela. Et cette position de Ibn Sawan vient de son relou dans le takfir et de son relou dans at-tabdir. L'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah avait dit dans Kashf al-Shubuhat wal murad min hadhihi al-kalima ay la ilaha illallah ma'naha la mujarrad lafdhaha. Ce qui est demandé par cette expression la ilaha illallah est son sens, non pas seulement de la prononcer, mais il n'a pas parlé là de al-muqtada, c'est-à-dire de l'œuvre. Quant à Ibn Sawan, il rajoute des choses de lui-même. Il dit « Laysa al-maqsoudu min al-shahadatayn lafdhuhuma faqat » Oui, on est d'accord sur cela. On a besoin aussi du sens. « Kama dhannahu al-murji » Il insulte ainsi Cheikh Rabi' « Kama dhannahu al-murji ul-ghabi »« Duna ma'rifatin lima'naahuma »« Laysa al-maqsoudu min al-shahadatayn lafdhuhuma faqat »« Kama dhannahu al-murji ul-ghabi »« Duna ma'rifatin lima'naahuma » Jusqu'ici, pour donc la définition du shahadatayn avec le sens, là on est d'accord. Et on n'est pas d'accord d'insulter un muhaddith. Mais il va ajouter ceci. Il a dit Laysa al-maqsoud min al-shahadatayn lafdhuhuma faqat kama dhannahu al-murji al-ghabi duna ma'rifatin lima'naahuma wal-'amal bi-muqtadahuma. Ce qui est demandé d'après les deux attestations, ce n'est pas les prononcer seulement sans connaître leur sens ni œuvrer par ce qu'elles impliquent, comme le pense ce morji stupide. Et il désigne par là l'imam al-muhaddith Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Ainsi Ibn Sawan veut-il faire entrer dans la condition qu'exigeait l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ce qui n'y était pas. Il veut faire entrer dans la condition de at-takfir ce qui n'était pas pour l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab. L'on demande maintenant, qui fait du tort à l'imam Mohammed? Est-ce Rabi' al-Madkhali qui distingue entre ceux par quoi l'imam rendait mécréant et ceux pourquoi il combattait mais ne rendait pas mécréant pour son délaissement? Ou bien est-ce Ibn Sawan qui fait entrer al-Muqtada dans ce par quoi l'imam aurait rendu mécréant, contredisant ainsi clairement la parole du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, qui disait Fal arba'atu idha aqarra biha, c'est-à-dire les quatre piliers, Fal arba'atu idha aqarra biha, wa tarakaha tahawunan, fa nahnu wa in qatalnahu ala fi'liha, فلا نكفره بتركها. Les quatre, c'est-à-dire les quatre piliers qui viennent après Ash-Shahadatayn, si nous le combattons pour les accomplir, s'il les avait reconnus, nous ne le rendons pas mécréant pour les avoir délaissés. Fin de la citation. Et fin de notre note de traducteur. Et Cheikh Rabi' Hafidhahullah répondit aux accusations d'Ibn Sawwan. Cheikh Rabi' avait dit, voici les remarques. Ibn Sawwan accuse Rabi' Derja, alors que Cheikh Rabi' combat toutes les innovations, y compris celle de Al-Irja. Et ici, Ibn Sawwan accuse Cheikh Rabi' Derja pour avoir amené une fatwa claire montrant la voie de l'imam Muhammad rahimahullah. Ibn Sawwan considéra la fatwa de l'imam Muhammad comme une ambiguïté faible, shubhatun saqima, ce qui n'est pas étonnant quand il émane d'Al-Haddadi. Ibn Sawwan mentit au sujet de Cheikh Rabi' en disant ليس المقصود من الشهادتين هو لفظهما فقط كما ظنه المرجي. Ce qui est demandé par les deux attestations, ce n'est pas leur simple prononciation comme l'avait pensé le Murji, c'est-à-dire Cheikh Rabi', alors que cette parole est la parole de Al-Karramiya et qui est une secte des roulettes de Al-Murji'a, c'est-à-dire considérer que ce qui est demandé par la ilayla, c'est de les prononcer seulement. Ça c'est le qawl de Al-Karramiya. Donc Ibn Sawwan avait menti donc à l'égard de Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi' ne pense pas cela et il ne le dit pas. Où Rabi' avait-il dit cela? Al-maqsud min ash-shahadatayn huwa lafdhuhuma faqat. Où Rabi' avait-il dit cette phrase? Hein? À savoir, ce qui est demandé des deux attestations et de les prononcer seulement. Où Cheikh Rabi' avait dit cela pour dire que kama dhannahu al-murjiyyu? Hein? Où Rabi' avait dit cela? Donc là, le mensonge ne profite pas, et le mensonge, ça compte parmi les grands péchés. Et mentir à l'égard d'un muhaddith est grave, est grave. Quand est-ce que Cheikh Rabi' aurait-il renié qu'il faut connaître le sens de la ilaha illallah nécessairement, et qu'il faut œuvrer en conséquence? Et même si la fatwa de l'imam Muhammad était claire, Cheikh Rabi' l'explicita en disant, juste après la fatwa, Cheikh Rabi' avait dit, وَمِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ مَنْ لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بِتَرْكِ الشَّهَادَتَيْنِ أَوْ يَقَعُ فِي نَوَاقِدِهِمَا. Pour la clarifier, pour clarifier la fatwa. Il avait dit, et parmi les imams de la sunnah, il en est qui ne rendent mécréants que par le délaissement des deux attestations, c'est ce que l'imam avait dit. Ou bien, celui qui succombe dans l'un de leurs annulatifs, des annulatifs des deux attestations. Cheikh Rabi' explicita, et il fut accusé par ce haddadi comme étant un morji. Que dire de certains fils de l'imam Muhammad, qui n'avaient pas expliqué, et qui se sont contentés de citer la fatwa de l'imam, puisqu'elle est claire? Quel est leur statut chez Ibn Sawwan? Ibn Sawwan et sa confrérie, ou son parti Haddadi, traitent de morji celui qui ne rend pas mécréant tariq al-salah, tahawunan, kasalan. Donc, ils devront traiter l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, entre autres imams, comme étant morji. Et l'imam Muhammad et les autres imams de la sunnah, rahimahumullah, considèrent que l'ijma' correct est une preuve forte. Quant à Ibn Sawwan, il voit ceci, c'est-à-dire l'ijma' de Ahl-Sunnah, il le voit comme étant une ambiguïté faible. Al-Imam Muhammad wa ghayruhu yarawna al-ijma' as-sahiha ka hadha hawla at-takfir bi-shahadatayn yarawnahu hujjatan qawiyya wa Ibn Sawwan yara dhalika shubhatan saqima. Et l'imam Muhammad ne rend pas mécréant celui qui tombe dans un annulatif parmi les ignorants avant d'établir la preuve sur eux. Alors qu'Ibn Sawwan et sa secte traitent celui qui agit ainsi, qui agit comme l'imam Muhammad, comme étant morji, et parfois ils le taxent même comme étant un jahmi, voire de zindiq. Et ceux qui sont sur Twitter et les autres, peut-être qu'ils ne comprennent pas la charge qu'il y a dans ces termes de Jahmi et de Zindir. Et ils veulent les appliquer aux salafis. Wallahu al-musta'an. Ces accusations sont manifestes et récurrentes dans les articles et les audios de ces gens. Énonce du traducteur ici. En fait, ces gens n'ont pas une inimitié avec Cheikh Rabi' al-Madkhali seulement. Non, ils sont des ennemis de beaucoup d'imams de la Sunna, plus grands que Cheikh Rabi', comme l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah en l'occurrence. Mais ils n'osent pas s'attaquer à l'imam Muhammad et ils osent s'attaquer et s'en prendre à Cheikh Rabi'. Et Cheikh Rabi' termine son article par le rappel de certaines de ses critiques précédentes des sectes de Al-Murji'a dans ses livres précédents. Passons maintenant à un autre article où l'imam de Al-Jarh wa Ta'dil dévoile le statut d'Ibn Sawwan. L'article est intitulé ainsi: Ibtal Ifki wa Iftira'i Abdullah Sawwan Al-Ghamidi. Le dévoilement de l'imposture et du mensonge d'Ibn Sawwan Al-Ghamidi. Un proverbe arabe dit: Ala nafsiha tajni baraqishu. L'on amène ce proverbe quand il s'agit de quelqu'un qui court à sa perte et qui amène, par exemple, les preuves qui le condamnent. C'est le cas ici de Abdullah ibn Sawwan al-Ghamidi, qui, afin de défendre son confrère dans la confrérie de Al-Haddadiyya, il va citer cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh al-Islam dit: Wa takfiru tarik as-salah huwa al-mashhur al-ma'thur 'an jumhur as-salafi min as-sahabati wat-tabi'in. Je répète cette citation. Wa takfiru tarik as-salah huwa al-mashhur al-ma'thur 'an 'an jumhur as-salafi min as-sahabati wat-tabi'in. المجموع المجلد العشرون الصفحة 97. شيخ الإسلام أبي دي: Considérez celui qui délaisse la salat, c'est-à-dire par paresse, comme étant mécréant, et ce qui est célèbre est transmis d'après qui? D'après Al-Jumhur, la majorité des salafs, parmi les compagnons et les successeurs. Fin de citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et mettez un trait sur le terme majorité, terme qui casse ici la prétendue unanimité et le consensus que prétend Ibn Sawwan et Al-Juhani et les autres, la prétendue unanimité, terme qui casse ici cette prétention haddadi du consensus de Al-Ijma', c'est-à-dire de la totalité des salafs. Alors que Cheikh al-Islam ici, il dit la majorité. Et Ibn Sawwan avait rapporté cette citation où Cheikh al-Islam avait dit Al-Jumhur. Autrement dit, cette parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Ibn Sawwan rapporte, atteste de quoi? De la divergence sur le jugement de Tariq as-Salah Kasalan, de celui qui délaisse la prière par paresse. Et que cette divergence date de l'époque des compagnons et des successeurs. Ensuite, Cheikh Rabi' montra quelques écarts saillants entre la voix haddadi de Al-Juhani et ses compagnons et celle salafi de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il avait dit, donc, parmi quelques remarques que Cheikh Rabi' avait rapportées ici dans cette comparaison, comme le fait qu'Ibn Taymiyyah respecte l'autre avis de Ahl Sunna concernant Tariq al-Salah, alors que Al-Juhani et les autres traitent ceux qui ne sont pas d'avis avec eux comme étant des murji. Et aussi une autre remarque, comme aussi que Al-Juhani et Al-Ghamidi taxent celui qui dit Al-Iman qawlun wa amal yazid wa yanqus, ils le taxent comme étant murji tant qu'il n'ajoute pas Al-Iman qawlun wa amal yazid wa yanqus, il doit ajouter nécessairement hatta la yabqa minhu shay. Donc, si vous dites avec des imams de la sunna, parmi lesquels il y a Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Si vous dites ceci, la foi est une parole et une œuvre, elle augmente et diminue, vous serez murji quand même, tant que vous n'ajoutez pas ceci. Elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Vous devez ajouter cela, sinon vous serez murji selon les haddadi bien sûr. Et vous ne serez pas murji selon Ahl Sunnah al-Jama'a. Et comme aussi une autre remarque rapportée par Cheikh Rabi', il avait dit, comme aussi que Al-Haddadiya traite celui qui dit Al-Imanu Aslan wal-Amalu Far'an, qu'il le traite de murji. Cette parole de As-Salaf, Al-Imanu Aslan wal-Amalu Far'an, la foi est un fondement et l'œuvre est une branche. Si vous vous exprimez ainsi par les paroles des Salaf, vous serez des murji. En cela, ils rendent murji Ibn Taymiyyah par exemple. Et ils rendent murji aussi Ibn Mandah et Muhammad ibn Nasr al-Marwazi et Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab al-Si'di, al-Mufassir al-Si'di, Abdul Rahman, Abdul Latif et Sulayman ibn Abdullah, ces trois al-Sheikh, rahimahullah, ainsi que d'autres imams. Ils rendent ainsi murji tous ces gens. Et Sheikh Rabi' avait écrit d'autres articles dont celui-là, أحاديث الشفاعة الصحيحة تدمغ الخوارج والحدادية القطبية. Où il montra, hafidhahullah, que les salafs font passer les ahadiths de l'intercession de al-shafa'a comme tel, et qu'ils les utilisaient contre les khawarij. Et il montra que ces haddadis qui s'opposent à ces ahadiths recèlent des traits de al-khawarij. Ibn Sawwan s'insurgea alors et critiqua Cheikh Rabi' de s'être soumis aux hadiths de l'intercession. Il avait donc dit explicitement que vous vous soumettez aux hadiths de al-Shafa'a. Qu'est-ce qu'il veut de l'imam? Il veut que l'imam Rabi' al-Madkhali ou bien les autres salafis qu'ils ne se soumettent pas à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il critique à Cheikh Rabi' de s'être soumis aux hadiths de l'intercession. Cheikh Rabi' répliqua par un autre article qui est intitulé Ar-raddu ala man yaqulu inna ahadith al-shafa'ati wa hadith al-bitaqa min al-mutashabih mukhalifin li-ijma' al-sahaba wa al-tabi'in wa a'immat al-muslimin. Où il amena les paroles des imams tels que Ahmed, Abu Bakr ibn Abi Asim, Ibn Jarir, Abu Bakr al-Ajurri, al-Lalika'i, أبو عثمان الصابوني، ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، ابن عبد البر، ابن رجب، et bien d'autres. Il amena ces paroles montrant que les ahadiths de l'intercession relèvent de al-muhkam, et que même ceux qui rendaient tariq al-salah mécréants faisaient passer ces ahadiths comme tels et ne les interprétaient point, alors que les haddadi veulent les tordre, ils veulent tordre ces hadiths et les détourner de leur sens et ainsi les falsifier. Ensuite, le pauvre ignorant Ibn Sawwan eut recours au comité permanent de l'Ifta, non pas pour savoir et connaître comme le font la masse des musulmans et les apprenants de science en inscrivant leurs questions auprès de Al-Lajna, non. Ibn Sawwan voulait frapper Ahl Sunna les uns par les autres. Quand il remarqua que la partie entre les haddadis comme lui et les salafis comme Cheikh Rabi' et les autres qui sont dans le site de Sahab, Shabakat Sahab al-Salafiyya, et qui sont dans les autres sites des Mashaykh et qui soutiennent les avis de Ahl Sunna al-Jama'a, quand il voit que cette partie donc ne va pas en sa faveur, qu'est-ce qu'il fit, hein? Il eut recours à la manigance et à la polémique. Il voulait faire tomber Cheikh Rabi' ainsi, en soutirant une fatwa à l'Ajna. Le comité permanent lui demanda de résumer sa question, car à l'Ajna, le comité reçoit beaucoup de questions. Le comité ne peut pas tout lire. Alors qu'est-ce qu'il fit, Ibn Sawwan? Il mentit au sujet de Cheikh Rabi'. Il mentit et usa du procédé que les haddadis utilisent souvent, à savoir celui de prêter à son adversaire des croyances ou des paroles qui ne sont pas les siennes. C'est ce qu'avait fait Abu Abdurrahman Muhammad Ali Pasha une fois en interrogeant Sheikh Rajihi. Et c'est ce que ce dénommé qui s'appelle Abu Suhail Al-Qumuri a fait quasi régulièrement dans ses questions adressées à des mashayikhs. Il prête à Sheikh Rabir ou à des salafis des croyances et des paroles qui sont celles des vrais murji'is. Et si ce Abu Suhail ou les autres, Sirar Al-Asnan, Soufaha Al-Ahlam, avaient posé leurs questions à n'importe quel apprenant de science salafi, il leur aurait répondu que ce que vous êtes en train de poser comme question a comme réponse que c'est une parole ou une croyance de Al-Irja. Pas besoin d'aller demander à un savant, ça c'est clair ce que vous êtes en train de poser comme question. Mais prêter cela à un imam comme Sheikh Rabir, vous devez avoir honte. Or ce Safi, Abu Suhail ou les autres, c'est Soufaha, c'est Rar Al-Asnan, attribue ses croyances tantôt à l'érudit savant Rabi' al-Madkhali, tantôt à d'autres mashayikh ou apprenants salafis. Nous les invitons à délaisser ce procédé des lâches et à répliquer par des arguments, des preuves, s'ils en ont, bien sûr. Nous les appelons à réfuter par ce procédé. Qala Allah, qala Rasulu, qala Sahaba, qala al-A'imma. Étayez leurs propos par les paroles des imams de l'islam. Non pas par des paroles des inconnus dont la umma comme Al-Juhani, Al-Ghamidi, Al-Hazimi, Al-Tarifi. Donc pour revenir à la supercherie d'Ibn Sawwan, il raconta des mensonges à Al-Lajna et au Mufti concernant Sheikh Rabi' al-Madkhali. Et ce Ghamidi se trompe sur ce fait. Il pense qu'ainsi il pourrait faire tomber Sheikh Rabir. Il ne sait pas que celui qui fait lever et celui qui rabaisse est Allah. Et que ce qui compte, ce sont les œuvres de chacun, non pas les mensonges que les gens peuvent inventer et raconter à son égard. Sheikh Rabir résuma à son tour le livre qui fut combattu par les Haddadi, et qui est intitulé Al-Maqalat al-Athariya fi al-Raddi ala Shubuhati wa Tashkhibati al-Haddadiya. Cheikh Rabi résuma lui-même ce livre et il intitula un article ainsi où il fait ce résumé: Madamin al-Maqalat al-Athariya, les contenus des articles athari. Dans la, et il ajouta à ces madamin un annexe. Et dans l'annexe, dans Al-Mulhaq, de ces contenus de Al-Madamin, le Cheikh cite des imams muhaddithin qui avaient jugé, un, que les ahadith de l'intercession relèvent de Al-Mutawatir, et deux, que ces ahadith, deuxièmement, que ces ahadith relèvent de Al-Muhkam, et qu'il ne faut absolument pas leur chercher une autre interprétation qui serait une falsification pure et simple. Amirruha kama ja'at. Et le Cheikh conclut en disant: Faya ayyuha al-haddadiyoun, thiqou annana la nuqaddimu ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ra'yan fiqhiyan aw bahthan jadaliyan aw khayalan sufiyan wala tanaqudan kalamiyan أو قياسا فلسفيا أو حكما سياسيا، بل نعض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين بالنواجذ. فيا أيها الحداديون، خذوا بنصوص الشفاعة التي تدل دلالة واضحة كالشمس على الوعد العظيم للمؤمنين المستقيمين ونعيمهم، وتدل دلالة واضحة كالشمس على الوعيد الشديد والعذاب الأليم للمنحرفين، ثم تدل على فضل لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وسعة رحمة الله أيضا التي يرحم بها من عنده أدنى مثقال ذرة من الإيمان والتوحيد. وأنتم تحتجون بكلام بعض الناس ولكننا على منهج السلف ولا ناخذ بكلام الناس إذا خالف النصوص النبوية الواضحة والتي أخذ بها أهل السنة وفيهم أعلم بكثير ممن تتعلقون بأقوالهم ولم تقتصروا في القال والقيل على بعض العلماء بل ذهبتم تحتجون وتأخذون بأقوال كل من هب ودب من أنصاف وأرباع العلماء وترجفون على أهل السنة والحق بكتابات الكذابين والخونة والمجهولين مثل الزاغور والحمامات ولن تغني عنكم هذه الأراجيف شيئا في الدنيا والآخرة بل ما فيها وما وراءها إلا الخسران المبين والحق يعلو ولا يعلى عليه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي في 19 من شهر ثمان عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم Traduction de 16 paroles de l'imam Rabi' al-Madkhali Hafidhahullah. Il avait dit « Oh Haddadi, soyez sûr que nous ne mettons rien au devant de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ni un avis de fiqh, ni une recherche dialectique, ni une chimère soufie, ni une contradiction de al-kalam, ni une analogie philosophante, ni un jugement de politique. » Mais plutôt, nous tenons à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna des califes bien guidés, à même les molaires. Donc, ô Haddadi, prenez ces textes de Al-Shafa'a, les textes de l'intercession, qui signifient clairement, comme le soleil en plein jour, la promesse majestueuse réservée aux croyants droits ainsi que les délices qu'ils auront. Qui signifie aussi clairement, comme le soleil en plein jour, la menace imminente et le supplice douloureux pour les déviants. Et il signifie par la suite le mérite, le bienfait de la ilaha illallah, l'expression de At-Tawhid, et l'étendue de la miséricorde d'Allah par laquelle il pardonne à celui ayant moins que le pesant d'un atome de foi et de monothéisme. Et vous argumentez par les paroles de certains gens. Or, nous sommes sur la méthodologie de As-Salaf. Nous n'admettons pas les paroles des hommes quand elles contredisent les textes prophétiques clairs, textes auxquels ont tenu les gens de la Sunna, parmi lesquels il y avait, qui sont beaucoup plus savants que ceux aux paroles desquels vous vous attachez. Et vous ne vous êtes pas arrêté dans vos on dit sur certains savants, mais vous êtes parti argumenter et tenir aux paroles de n'importe qui parmi les demi et les un quart de savants. Et vous voulez intimider les gens de la sunna et du vrai par les écrits des grands menteurs, des traîtres et des inconnus comme Az-Zaghouri, Abu Abdillah Az-Zaghouri, un haddadi marocain. Et les propos de Al-Hammamati, le cheikh fait un clin d'œil à celui qui est dénommé Abu Abd al-Quddus Badruddin Mnasra, qui est maintenant pro-Daesh, Na'udu Billahi min al-Ama, il a Haddadiya, et sur la piste de Al-Khawarij, bien sûr, elle est même une secte parmi les sectes de Al-Khawarij. Donc celui-là, il est pro-Daesh maintenant. Mais ces intimidations, ce Haddadi, Al-Hammamati, il est pro-Daesh. Mais ces intimidations, dit le Cheikh, mais ces intimidations et harcèlements ne vous seront d'aucun secours ici-bas ni dans l'autre vie, dans l'au-delà. Mais plus, vous n'allez en récolter que la perdition évidente, car le vrai a toujours le dessus et rien ne peut le rabaisser. Et Allah soutiendra certainement celui qui soutient la cause d'Allah, la vérité, car Allah est le Tout-Puissant. Allah fera que le vrai soit connu pour tel et que le faux soit connu pour tel, malgré que les criminels détestent cela. Ô Allah, fasse triompher ta religion et fasse rehausser ta parole. » Et le Cheikh termina son article ainsi. Et nous terminons par une petite note. Nous allons montrer dans le prochain document comment Ibn Sawwan tronqua et faussa les contenus du livre de Cheikh Rabi', le livre donc intitulé Al-Maqalat al-Athariyah, comment il avait tronqué ce livre pour présenter une question à Al-Lajna al-Da'ima afin de soutirer un jugement de Al-Lajna, du comité permanent. Nous allons traduire ce dévoilement d'Ibn Sawwan encore une fois, dévoilement qui fut mis à nu et mis à découvert par Cheikh Ra'id al-Tahir al-Iraqi waffaqahu Allah. Dans son article, donc Cheikh Ra'id l'avait dévoilé dans un article intitulé Kashf al-Muftari Abdullah al-Ghamidi fi khitabihi al-muwajjah ila al-lajna al-da'ima wa samahati al-mufti. Le démasquage de l'imposteur Abdullah al-Ghamidi dans son discours adressé au comité permanent et à son éminence mufti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.